te jure, à l'occasion de la journée de la brillante étoile, rassemblement, séminaire sur les exploits, exposition de photos et de livres et séances de films ont eu lieu au Myanmar, en Roumanie et en Inde. Y étaient exposées les photos qui montrent la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du général Kim Jong-il et les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient exhibées les œuvres classiques des grands hommes Paektusan et les livres et photos montrant les activités des militaires et civils coréens qui marquent l'âge d'or dans l'édification d'un État puissant socialiste. En séance de film, on a projeté les documentaires coréens comme « Le soleil de Sun Gun brille dans l'univers ». Y ont pris part les personnalités du comité régional de Yangon, du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, du comité exécutif régional de Yangon de la Fédération démocratique nationale du Myanmar, du nouveau Parti socialiste roumain, du Parti socialiste roumain, de l'Association indienne pour l'étude des œuvres de Kim Jong-il et du comité indien d'étude de la philosophie du Tutsé et autres habitants.